you brought this on yourself, man. We boys. You brought this on yourself. You gotta be like this, yo. Niggas, man, BC, you remember that? Come on. Wet in your fucking pants like you a little boy. Be a man. Stand up like a motherfucking man. My niggas, yo. Hey, you said you was a fucking man. Stand up straight. That's us, man. Do me souvenir. Poussez-vous de là, j'arrive à déposer mon style. Parlez-moi des moments, que serait mon ici. Obligé qu'on s'installe, du bas de la montagne. La rime est menaçante, mais je rappe en même temps. On est là pour l'instant, allumez la machine. On arrache tout jusqu'à la racine. Y'a la rime à l'arrière, y'a les thèmes à l'appel. Laissez place à l'art du nouveau à l'ancienne. On arrive à lancer, on crée l'ouverture. Sans joueur, on te met un but, on a eu l'astuce. On te pose un cesse, mais j'en veux toujours plus. Y'a un paquet d'artistes, non pas que tu tristes. Tu veux la guerre, c'est demi one piece. J'ai vu que le temps passe, comme sur Flow et Speed. J'ai vu que le temps passe, donc faut qu'on respire. Regardez tous mes souvenirs. Envoie un pari et je pars emballé. Advisory parental. Regardez tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Même si je vois pas les souvenirs. Je veux garder tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Même si je vois pas les souvenirs. La mélodie qu'on danse. La mélodie. Poussez-vous de là, j'arrive à déposer mon texte. Ouais, y'a du monde à l'appel, le mic est open. L'hip-hop est en place, la passe est bonne. Et la balle est dans le camp. Levez la main, oui, visez le ciel. La musique sème la paix. Un freestyle, pas de problème, c'est de chez moi, oui, qu'on m'a appelé. Poussez-vous de là, y'a de l'espoir encore. Je veux du sang, pas la boîte à Pandore. Je veux du sens, non pas comme Andorre. Tous gagnants sans la médaille d'or. De part en part, on opère. En bas, on te parle. Les mêmes paramètres, le stylo qui m'accompagne. Je veux garder tous mes souvenirs. Envoie un pari et je pars emballé. Advisory parental. Je veux garder tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Même si je vois pas les souvenirs. Je veux garder tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Même si je vois pas les souvenirs. La mélodie coule dans le sang. Oh.